بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد فكما notre habitude, on va commencer le cours d'aujourd'hui par une série de questions révisions, inshallah ta'ala. La première, quelle est notre croyance en Al-Qur'an? Quelle est la croyance des gens de la Sunna et du groupe concernant le Coran? Le Coran, c'est la parole d'Allah. Un créé, de lui est venu, et vers lui elle retournera. Ahsant. Qui se rappelle de l'expression en arabe? Ah, ya shabab. Tfadal Mustafa. Al-Qur'an, kalamullah, ghayru mahdud. Minhu bada'a. Aywa. Wa ilayhi ya'ud. Ahsant. Jazakallahu khayran. Maintenant, hafidhakumullah. Il nous faut une explication de cette parole, la parole de nos pieux prédécesseurs concernant le Coran. Déjà, avant de réviser cette parole, est-ce que cette parole se trouve dans le Coran et la Sunna? Est-ce qu'on trouve cette parole? Le Coran est la parole d'Allah Azzawajal incréée, elle vient de lui et vers lui elle retournera. Est-ce qu'on trouve cette parole dans le livre d'Allah et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Est-ce qu'on trouve les preuves de cela qui viennent appuyer cette parole? Donc d'où vient cette parole si elle ne vient pas du Coran et de la Sunna? Hein? As-salaf, de nos pieux prédécesseurs. Et pourquoi est-ce qu'ils ont ramené cette expression, le Coran et la parole d'Al-Qur'an ou Kalamullah, ghayru makhluq, minhu bada'a wa ilayhi ya'ud? Pourquoi ils ont ramené cette expression? Et de ce pourquoi, quelle est leur voix? La voix de nos pieux prédécesseurs dans cela. Pourquoi est-ce qu'ils ont ramené cette expression? Parce qu'il y a une fitna qui est... Ahsant. Et ceci, donc, pourquoi ils ont ramené cette parole? Parce qu'il y avait eu un besoin. Parce que les gens de l'innovation ont innové à propos de la parole d'Allah, du Coran. Ils ont innové et ils ont cherché à pervertir la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, par ces innovations. Pour défendre la religion d'Allah Azzawajal, nos pieux prédécesseurs les ont réfutés. Donc, au moment où il y a eu un besoin, ils ont rapporté cette parole, appuyée par des preuves du Coran et de la Sunna. Et nous voyons ici la voix de nos pieux prédécesseurs dans cela. Leur méthodologie concernant la réfutation des gens de l'innovation. Et que lorsqu'il y avait un besoin de réfuter, il rapportait ses paroles et ses croyances. Comme ici, le traité de la Sunna de l'imam Ahmed. L'explication de cette parole. Al-Qur'an ou Kalamullah. Le Coran est la parole d'Allah. Allez, Shabab. Qu'est-ce qu'on a dit dans les cours par rapport à ça? C'est quoi? Ahsant. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Donc, nous affirmons à Allah, tabaraka wa ta'ala, l'attribut de la parole. Sifatul kalam, l'attribut de la parole. Et le Coran fait partie de la parole d'Allah, azza wa jal. C'est ce qui est voulu ici. Et nous avions expliqué, comme l'a dit Sekou ici, que Allah, azza wa jal, parle. Il a donc l'attribut de la parole. Il parle véritablement avec des sons et des lettres. La preuve de cela, ou parmi les preuves de cela qu'on a évoqué. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui est proche, il entend, et celui qui est loin, il entend aussi. Le début du hadith. Hein? Yom al-Qiyama, le début du hadith, Tariq. La parole de l'Abd al-Ulay, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les gens seront ressuscités le jour de la résurrection, nus sans chaussures, dépourvus de tout bien. Alors Allah les appellera avec une voix qu'on entendra l'éloigné comme l'entendra le proche. Ahsant, Allah les appellera au jour du jugement. On a dit que An-Nida, l'appel, fait partie des preuves pour affirmer que les gens de la Sunna utilisent pour affirmer l'attribut de la parole. Car l'appel, An-Nida, ne peut être fait que avec des sons et des lettres. Et de même que dans ce hadith, à propos duquel on va parler à la fin du cours aujourd'hui, Inch'Allah, dans ce hadith, nous voyons un attribut ou une particularité de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quelle est cette particularité? Tfaddal Kamel. C'est une voix que entendent ceux qui sont éloignés et ceux qui sont proches. Ahsant. Il parle d'une manière que celui qui est proche l'entend, de même que celui qui est éloigné. De la même manière. Et ceci est une particularité de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci nous montre que cette parole d'Allah Azzawajal est bien faite avec des sons et des lettres. Car si, comme les gens de l'innovation le prétendent, la parole d'Allah Azzawajal était une parole que le serviteur entendait en lui-même, il n'y aurait pas de bénéfice à tirer de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui est éloigné l'entend comme celui qui est proche. Car si c'est une chose que tu entends toi-même, celui qui est éloigné ou celui qui est proche, ils l'entendront de toute façon de la même manière. Donc il n'y a pas de but à cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa hasha lahu, qu'il dit sallallahu alayhi wa sallam des choses sans but, pour rien. Plutôt, cette parole a un but, c'est de faire comprendre à celui qui l'entend que Allah Azza wa Jalla parle avec des sons et des lettres, ce qui est propre à An-Nida, c'est-à-dire l'appel, de même que celui qui est proche l'entend comme celui qui est éloigné. À l'inverse du son du serviteur, qui lui, lorsqu'il parle, celui qui est proche l'entendra moins bien que celui qui est éloigné, ou mieux ? Mieux. Barakallahu fikum. Donc, le Coran est la parole d'Allah. On a dit donc que c'est un attribut d'Allah Azza wa Jal, qui est affirmé par le Coran et la Sunna. Parmi les preuves de l'affirmation de cet attribut, ce qui est rapporté concernant An-Nida, c'est-à-dire l'appel, et autre que cela parmi les preuves que nous avons évoquées. Nous allons y revenir aussi rapidement aujourd'hui dans l'explication d'une partie concernant la parole d'Allah Azza wa Jal qu'il adresse à ses serviteurs au jour de la résurrection, Inch'Allah ta'ala. Minhu bada'a wa ilayhi ya'oud. Il vient de lui et vers lui il retourne. Comment on peut expliquer cette parole? Le Coran vient d'Allah et vers lui il reviendra. Allez, Shabab. Hein? Tfaddal Youssef. Ahsant, avant cela, minhu bada'a, de lui vient le Coran, c'est-à-dire. Ah, tfaddal Mouloud. Cette parole, il l'a dit à Jibril, qui l'a fait ensuite descendre. Ahsant. Cette parole est sa parole. Quand on dit kalamullah, c'est sa parole à lui, pas la parole de quelqu'un d'autre. Cette parole lui est attribuée, elle vient de lui. Il a révélé cette parole, tabaraka wa ta'ala. Donc elle vient de lui. Ce n'est pas la parole de quelqu'un d'autre. Et vers lui, elle reviendra. Comme l'a dit Youssouf ici, c'est une allusion, wallahu a'lam, à ce hadith qui est rapporté, que j'ai rapporté la semaine dernière. Si vous vous rappelez que le Coran sera enlevé de la terre en une nuit, jusqu'à ce que les gens ne connaissent ni, jusqu'à ce qu'il ne reste sur terre ni verset de ce Coran, et que les gens ne connaissent ni prière, ni jeûne, ni aumône, ni pèlerinage, ou rite du pèlerinage. Et qu'il restera la vieille personne et la vieille femme qui diront, nous avons atteint, nous avons vu nos parents dire une parole et nous la répétons. Quelle est cette parole? La ilaha illallah. Et Sila ibn Zufar, ce tabi'i, dit à Hudhaifa ibn al-Yaman, celui qui rapporte ce hadith, qui est rapporté dans le sunan de Ibn Majah, d'après une chaîne de transmission qui est bonne, d'après l'authentification de Sheikh Nasr, rahimahullah, il lui dit, à Hudhaifa, il lui dit, à quoi va-t-elle leur servir cette parole, la ilaha illallah, alors qu'ils ne savent ni ce qu'est la prière, ni ce qu'est l'aumône, ni ce qu'est le jeûne, ni ce que sont les rites du pèlerinage. Et Hudhaifa de se détourner de lui à trois reprises, jusqu'à se retourner vers lui et lui dire, elle le sauvera du feu. Tunjihi minan nar, tunjihi minan nar, tunjihi minan nar. Elle le sauvera du feu à trois reprises. La ilaha illallah, kalimatu tawhid, kalimatu taqwa, la parole de l'unicité, la parole de la piété. Barakallahu fikum. On va s'arrêter là pour l'instant. On reviendra sur des passages concernant cette partie du cours, incha'Allah ta'ala, prochainement.